cours numéro 30. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal'aqibatu lil-muttaqeen. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله المتين هذا الاسم تقدم معنا كما قال في الحاشية مع اسمه تعالى العزيز كذلك تقدم معنا اسم القوي et pour vous faciliter vous notez les pages, les références. Hatta le jour où vous relisez, vous révisez, vous n'avez pas besoin de faire la recherche qu'on fait l'an. Naam, Al-Aziz, page 89. Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Qadir. On avait étudié ensemble ces quatre noms. Qala Azzawajal, Inna Allah huwa al-Razzaq, Dhul-Quwati, Al-Matin. Donc c'est un ism thabit في القرآن الكريم. Et c'est بمعنى القوي. Ça ressemble au قوي. أي الله سبحانه وتعالى il a صفة القوة, la force. Il est capable de tout. عز وجل. قال رحمه الله المجيب. هذا الاسم ثابت لله عز وجل. قال سبحانه إن ربي قريب مجيب. في سورة هود. Et on avait lu كلام الشيخ سعدي رحمه الله. Quand on a lu l'explication du nom Al-Qarib, Al-Shir Sa'di Rahimahullah, il avait cité Ba'd Al-Kalam par rapport à ce ism, وهنا, il a cité un autre masdar, min Risalati Al-Haq Al-Wadih Al-Mubin, un kalam jamil, pour expliquer هذا الاسم المجيب. قال رحمه الله من أسمائه تعالى المجيب لدعوة الداعين والسؤال السائلين وعباده المستجيبين وإجابته نوعان. Donc المجيب c'est celui qui répond. Vous connaissez le mot jawab, ijaba. Tout ça c'est pour montrer une réponse. فالله سبحانه وتعالى c'est le مجيب أي لدعوة الداعين. Quand الداعي il demande à Allah سبحانه وتعالى, bien sûr avec certaines conditions, الله عز وجل يجيبون. C'est المجيب. وأفاد هنا ورحمة الله عليه أن إجابته سبحانه نوعا. أي le fait de répondre c'est de deux sortes. قال رحمه الله إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا سنغلب tous ceux qui demandent à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit une dua ibada ou dua mas'ala. Et dans certains cours, on a déjà expliqué c'était quoi dua al-ibada et dua al-mas'ala. Qala rahimahullah, qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Fallah subhanahu wa ta'ala c'est le mujib wa yastajib. C'est le mujib wa yastajib plutôt liman sha'a. فدعاء المسألة يقول العبد اللهم أعطني كذا اللهم ادفع عني كذا. دعاء المسألة c'est le fait de demander بلسان المقال avec sa langue. Ya Allah donne-moi telle chose ou repousse telle chose. Ya Allah guide-moi, guéris-moi, donne-moi. هذا معروف. قال فهذا يقع من البر والفاجر. هذا الدعاء فقد de demander à Allah subhanahu wa ta'ala يقع من البر والفاجر. Celui qui demande ça peut être une personne pieuse, ça peut être autre, بل ça peut être même un kafir. بعض الكفار يدمون خاصة عند المصيبة وعند الاضطرار. ويستجيب الله فيه لكل من دعاه بحسب الحالة المقتضية وبحسب ما تقتضي حكمته. Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à chacun. Subhana. Bien sûr, selon sa hikmah. وَهَذَا يُسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى كَرَمِ الْمَوْلَى وَشُمُولِ إِحْسَانِهِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ. تقدم معنا اسم الحليم. أن ربما هذا العبد يعصي الله سبحانه وتعالى. peut-être qu'il n'est pas sérieux, il ne fait pas certaines adorations, peut-être que cette personne, elle fait beaucoup d'interviews. Et quand elle a besoin, elle est touchée par quelque chose, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Mujib, c'est le Halim, c'est le Karim, c'est le Rahman, Azza wa Jal. Qala, ولا يدل بمجرده على حسن حال الداعي الذي أجيبت دعوته إن لم يقترن بذلك ما يدل عليه وعلى صدقه وتعين الحق معه. هذه سين فائدة أن quand Allah subhanahu wa ta'ala il répond à une personne quelconque, cette personne elle lui a demandé, Allah subhanahu wa ta'ala il a exaucé son dua, ça ne veut pas dire que cette personne elle est à la khayr. Ça ne veut pas dire que Allah il aime forcément cette personne. Ça ne veut pas dire que cette personne elle est sur le droit chemin. Là, تقدم معنا أن حتى الكافر خاصة إذا ظلم المظلوم الكافر يدمد الله سبحانه وتعالى il lui répond. C'est un kafir, يبغضه. لكن الله سبحانه وتعالى il est juste et c'est le hakim. Donc, et ça c'est une faïda, أن الإنسان comment savoir est-ce qu'il est à la khayr أم لا, c'est par rapport à الطاعة. Si tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es sincère et tu suis un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ton principal objectif c'est de dire et tu aimes la religion, tu aimes apprendre, inshallah tu es à la khayr. Amma wahid, et ça arrive hada inda al-awam, ba'd al-awam, masakin, annahum ils sont pas sérieux dans certaines choses, ils font beaucoup de péchés. Thumma ils ont fait un dua et Allah subhanahu wa ta'ala l'aura exaucé. Probablement directement. Et bah non, mais ils pensent à ils sont à la cheille. Ou ils pensent que c'est une preuve à Nahum, ils ont un certain niveau dans le Salah et dans Al-Huda. C'est pas comme ça. C'est pour ça que Shir Sa'di l'a fait هذا التنبيه. Rahimahullah. قال ولا يدل بمجرده على حسن حال الداعي الذي أجيب دعوته إن لم يقترن بذلك ما يدل عليه وعلى صدقه وتعين الحق معه كسؤال الأنبياء. Donc ça montre que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il exauce le dua d'une personne, ça ne veut pas dire que cette personne elle est sur le bon chemin, sauf bien sûr si elle met en application son din. قوله يدل عليه وعلى صدقه, le fait de que هذا الإنسان il est صادق et il est مخلص et il aime le haq et il suit le haq. قال كسؤال الأنبياء ودعائهم لقومهم وعلى قومهم فيجيبهم الله فإنه يدل على صدقهم فيما أخبره. نعم ولا يدل, نعم نحن ديك on a expliqué الصدق, on a expliqué في حال الإنسان في الحقيقة نعم غيبت إن لم يقترن بذلك ما يدل عليه وعلى الصدق. لا طيب, قال وعلى قومهم فيجيبهم الله فإنه يدل على صدقهم فيما أخبروا به وكرماتهم على ربهم. نعم, لا شك أن الأنبياء أفضل البشر et الله سبحانه وتعالى il exauce leur dua, que ce soit pour leur قوم ou contre leur قوم. فهذا ça montre أنهم ils étaient على خير, بل c'est أفضل الناس, c'était les meilleurs des gens كما تقدم. قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بدعاء يشاهد المسلمين وغيرهم إجابته. الأنبياء leurs dua ils sont exaucés. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يفزي الدعاء et c'était exaucé directement. قال ولهذا أو بعد ذلك وذلك من دلائل نبوته وآيات صدقه. من دلائل النبوة, c'est des miracles, des preuves comme quoi cet homme c'est un prophète. Et ayat sidqiyya kadhalik, c'est une preuve que il est véridique. Ay Allah subhanahu wa ta'ala nasara al-anbiya bi ayat azima, et parmi ces ayat annahu répondait, il exaucait leur dua. Wa kadhalika ma yadhkuruna ala kathir min awliya illah min ijabati ad-da'awat. Et c'est une bouchra pour nous. Ce n'est pas que pour les prophètes et les messagers. Kullama l'insan, il est sincère, il est véridique, il fait des efforts dans son dîn, il s'écarte des péchés, il mange al-halal, il s'habille avec al-halal, il s'écarte du haram, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui répond. فلهذا كما قال وكذلك ما يذكرونه عن كثير من أولياء الله من إجابة الدعوات. L'homme qui avait accusé Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Un homme à l'époque de Omar radiyallahu anhu, il avait accusé Sa'd ibn Abi Waqqas de certaines choses. Sa'd, il a fait un dua contre lui. Un Allah subhanahu wa ta'ala, il lui rallonge sa vie, il lui fait. Et les gens, ils ont vu cet homme vivre, hatta il a atteint un niveau critique. Da'watu Sa'd. Abu Huraira radiyallahu anhu, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire dua pour sa mère. C'était pas une musulmane. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua, Abu Huraira radiyallahu anhu, il est rentré chez lui, sa mère, elle a prononcé shahada. Voilà, beaucoup d'exemples fi hada. Que ce soit al-anbiya ou al-salihun. Et même à notre époque, au ba'dahum, ils ont un iman qawi, ils sont sincères, et quand ils font dua, Allah subhanahu wa ta'ala yastajibu lahum. Qala, wa amma al-ijabatul khassa, falaha asbabun adida. Donc, al-ijaba al-amma, c'est pour tout le monde. Ça ne montre pas que l'insan il est à la huda, à la stiqama, il est sur le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce même à certains qui font beaucoup de péchés, à certains innovateurs, même à certains kuffars. Quand certains ceux qui subissent une injustice, il a akhir. Allah subhanahu wa ta'ala, il estajib. Fali hada qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, taqi da'wat al-madloum. Fais attention à l'invocation du madloum, même si c'est un kafir. On qaddar. Les kuffars à notre époque, ils ne font pas beaucoup ad-du'a. Lakin fi ba'd al-buldan, khasatan les kuffars qui ont vécu avec des muslimines, khasatan les kuffars qui ont des origines mathalan arabes et ka ba'd al-nasara ba'd al-yahoud, ils font du'a. Tu l'entends parler, toi tu crois que c'est un musulman, mais huwa fi al-haqiqa il est un yahoudi ou un nasrani, ils font du'a. Fa l'insan fait attention au dhulm, même à ce kafir. Si ce kafir quand il subit cette injustice, il fait du'a et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, فقد يستجاب له. أما الإجابة الخاصة c'est le deuxième نوع. الأنبياء et ceux qui ont suivi les messagers. قال فلها أسباب عديدة. Et ça c'est طيب. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le mujib. Il répond aux invocations. Et on a ولله الحمد cette عقيدة et on a des preuves et on a lu كلام الشيخ سعدي رحمه الله. الثمرة هذا ça va impliquer qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala لماذا لأنه c'est le mujib et هذه الإجابة لها أسباب عديدة beaucoup de causes لأن on aime tous faire dua on veut tous faire dua et on fait tous dua لكن أحيانا on n'est pas exaucé لماذا لأنه il y a des causes il y a des choses à prendre en compte et من أعظم الأسباب bien sûr c'est l'إخلاص والصدق. Celui qui est sincère, qui est véridique, quand il fait du'a, il demande bi qalbihi wa bi lisani. Il ne demande pas qu'avec sa langue. Le qalb, il est ghafil. Et une fa'ida huna pour ne pas avoir le qalb ghafil fi hada al-hal, que ce soit fi l'ad'iya ou l'adhkar, c'est de diversifier. De ne pas faire toujours le même du'a. Ahyanan, quand tu fais salat, après salat, essaye de réfléchir le du'a que tu as fait pendant ce sujoud. Si c'est un dua que tu as l'habitude de faire, ahyanan, tu t'en rappelles même pas. Tu as fait le dua avec ta langue, ton cœur il était ailleurs. Hada, c'est pas une cause pour qu'Allah y réponde. C'est pour ça que fi sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a des invocations dans beaucoup de domaines différents. Wa ba'd al-ulama yadhkuruna anna al-hikma c'est pour que ça ne devienne pas un automatisme. Maintenant, ahyana, on dit Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, que ce soit entre les deux, sujoud, ou fi sujoud, tellement que c'est devenu normal, Rubama, tu le dis 10 fois, tu sais même plus ce que tu dis. Amma, celui qui fait des efforts pour étudier un dua, apprendre beaucoup de dua, diversifier, un jour ce dua, un jour l'autre, le fait que tu diversifies ton cœur, il est hadir. Amma, toujours la même chose, Rubama, l'insan est tombé rafle. C'est pour ça qu'on doit diversifier. On doit diversifier et pas toujours le même du'a. Et même si on fait, il y a des adhkar, c'est toujours les mêmes. Maintenant, adhkar, ruku' et sujoud, c'est les mêmes. Le sunnah, c'est de dire certaines choses. Si on dit toujours le même, on fait des efforts pour avoir un qalb hadir. Et pour que le cœur soit présent, il faut comprendre. Mais faire un du'a que tu ne comprends pas, c'est très dur. C'est mashrou' de faire un du'a pour celui qui ne maîtrise pas l'arabe avec sa langue. En français, en anglais ou autre. Allah subhanahu wa ta'ala yastajib. Et Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'alim. Il connaît tout, il sait ce que tu lui demandes avec n'importe quelle langue. Lakin, en arabe, la chèque que c'est mieux. Et l'insan, il fait des efforts. Lakin, celui qui ne comprend pas l'arabe, qui ne parle pas l'arabe, qui ne maîtrise pas l'arabe, est-ce qu'on va lui dire là, tu fais pas de dua hatta tu apprends l'arabe? Abadan. Tu fais de dua avec la langue que tu comprends. فمن الأسباب قال الشيخ سعدي منها دعوة المضطر الذي وقع في الشدة وكربة وكربة عظيمة. المضطر فسره هنا قال من وقع في الشدة, celui qui est touché par un mal, par une épreuve. وكربة, il a perdu un proche, il a subi une injustice, on lui a volé son argent, on l'a accusé, ربما il a été enfermé injustement. كما تقدم معنا في الحقيقة cette épreuve c'est من لطف الله عز وجل. الله c'est لطيف. ومن لطف الله عز وجل أنه ربما avec cette épreuve il t'a ouvert une porte pour الدعاء, pour que tu répondes, pour que Allah عز وجل il te réponde plutôt, et pour que toi tu te demandes. Peut-être que si tu n'aurais pas été touché par cette épreuve, tu n'aurais pas fait الدعاء, ou même si tu aurais fait الدعاء, tu n'aurais pas été dans l'état que celui qui fait الدعاء quand il subit une injustice. Donc ça c'est une force azim. Quand tu subis une épreuve, كثرة الكلام, ça sert à rien, trop parler, se plaindre, vouloir raconter à tout le monde, il n'y a pas trop de faïda. Al faïda fi hadha al hal, l'épreuve elle t'a touché, elle t'a touché, al luju ila Allah, al du'a, lève tes mains et fais du'a, et tu verras la réponse très très vite bi idnillah azza wa jalla. قال فإن الله يجيب دعوته قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر, أي qui c'est qui répond au مضطر, celui qui a subi cette épreuve, celui qui est en difficulté, إذا دعاه, أي c'est Allah عز وجل. وسبب ذلك شدة الافتقار إلى الله. Et هذا on l'a tous vécu. Quand tu fais un dua, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala et tu as subi une injustice, tu es triste, tu es éprouvé. C'est pas comme quand tu es à l'aise. Quand tu es à l'aise, l'être humain, il est comme ça. En général, tu oublies. Et même quand tu fais du'a, c'est pas la même chose. Quand tu es touché par une épreuve et tu fais salat, en général, le sujoud, tu restes un peu plus longtemps et tu es beaucoup plus concentré. Ça, c'est min rahmatillah. Et ça, c'est parmi les bienfaits des épreuves. Qala wa sababu dhalik shiddatu al-iftiqar ila Allah. Al-iftiqar, ça vient du mot faqr. أنتم الفقراء. الافتقار c'est le fait de se rabaisser. الفقر c'est la pauvreté. الافتقار c'est le fait de se rabaisser, de se soumettre à Allah عز وجل أكثر. قال وقوة الانكسار. الانكسار ça vient du mot كسر. كسر c'est le fait de casser. هذا العبد ينكسر أمام الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه tellement qu'il veut, il tient à ce dua et veut qu'Allah lui réponde, ça le pousse à se rabaisser. قال وانقطاع تعلقه بالمخلوقين. Ça c'est un des سبب أن الإنسان il place sa confiance en Allah عز وجل et il demande à Allah عز وجل et il ne demande pas au مخلوق, sauf dans certains cas où que c'est permis, où il n'a pas le choix. هذا c'est مباح. لكن شأنه et عادته c'est qu'il ne demande pas aux autres. Ça, c'est une cause pour qu'Allah te réponde. Et Allah, il sait pourquoi tu ne demandes pas aux autres. Pourquoi tu ne demandes pas aux autres? Et Allah, tu espères ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne. Donc, c'est une cause pour qu'Allah te réponde. قَالَ وَلِسَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ أَلَّتِي يَشْمَلُ بِهَا الْخَلْقِ بِحَسَبِ حَاجَاتِهِمْ إِلَيْهَا فَكَيْفَ بِمَنْ اضْطَرَّ إِلَيْهَا ومن أسباب الإجابة طول السفر والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه من أسمائه وصفاته. Et ça c'est un سبب عظيم. طول السفر, quand on est en voyage, quand on est en voyage, on ne doit pas négliger هذا. المستافر إلى مستجاب الدعاء بإذن الله عز وجل. Donc l'insan quand il fait le safar, il donne un petit temps. الحقيقة, il doit donner plus. Lakin, voilà aussi, il ne donne pas beaucoup de temps, au moins un petit temps, et il fait du'a. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'ilm ou l'huda. On a déjà fait la précision, là, l'insan, il ne demande pas que umur dunya. Profite-en, demande l'anfa', demande l'firdaus, l'a'la. Demande les hauts degrés du paradis, demande l'huda, demande l'ilm. Demande qu'Allah il te préserve. Combien de personnes à notre époque sont éprouvées par des maladies, il m'a du cœur, il m'a du corps. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te préserve, qui guide tes proches, ceux que tu aimes. والتوسل إلى الله فهذا من أعظم الأسباب. التوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه، لأن التوسل ça peut être avec tes œuvres que tu as faites، ça peut être avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs، ça c'est أعظم. Et alhamdulillah, l'étude qu'on a faite de ces noms، on est bientôt à la fin. Tu as appris beaucoup de noms، beaucoup d'attributs d'Allah Azza wa Jalla، tu connais beaucoup de sens. Mais en pratique هذا خاصة في الدعاء. Demande avec le nom d'Allah Azza wa Jalla, il y a Latif. Demande avec le nom d'Allah Azza wa Jalla, il y a Karim. Demande avec le nom d'Allah Azza wa Jalla, il y a Rahman, il y a Arhamur Rahimin. Ça c'est من أعظم استجابة الدعاء. كذلك ça va t'aider à être concentré. Celui qui n'est pas concentré, il ne peut pas choisir le nom. لأن التوسل avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, en général tu vas choisir un nom dont le sens est adapté à ton dua. Matalan ya ghafour ighfirli, ya ghaffar ighfirli, ya karim i'tini kada kada kada. Beaucoup de dua, on peut citer des dua avec chaque nom. Fa celui qui est concentré, son cœur il est présent, là, il pourra faire ça. Amma celui qui a l'habitude d'aiman, c'est des automatismes. Et ces cours ils sont très très utiles pour ce point, bien sûr pour d'autres points. قال ونعمه نعم الله سبحانه وتعالى إذا أكرم الإنسان بشيء قال وكذلك دعوة المريض le malade c'est dans cette situation la maladie c'est un سبب عظيم pour qu'Allah سبحانه وتعالى exauce notre dua. Donc la maladie c'est une ni'ma في الحقيقة c'est une ni'ma. Allah سبحانه وتعالى il te pardonne des fautes des péchés كذلك c'est un moment pour faire ad-du'a. Et كذلك c'est un signe si l'insan il est à la khair qu'Allah il aime. لأن الله سبحانه وتعالى il éprouve ce qu'il aime. انظروا في الحقيقة هذه المصائب والابتلاءات pour le mu'min الصالح ça devient des ni'am. Il est malade, il est éprouvé, pour lui في الحقيقة il est ni'am. Il est probablement réjoui comme ceux qui ont la bonne santé et ربما أرجون وأخرى. لماذا؟ لأنه يفكر هكذا. قال والمظلوم تقدم. celui qui subit une injustice c'est un سبب عظيم. والصائم تقدم معنا في دروس الصيام أن لا يوجد دعاء spécifique à dire عند الإفطار على الصحيح. il y a des أدعية qui ont été citées dans كتب السنة لكن ces أدعية sont ضعيفs. c'est des invocations. La chaîne de transmission elle est faible, donc il n'y a pas un dua spécifique à dire. Bardanès il pense qu'il n'y a qu'un dua à dire au moment de rompre le jeûne. Mais هذا c'est ضعيف. الصحيح le hadith il l'a authentifié Cheikh Muqbil, Cheikh Al-Albani alayhim rahmatullah wa ghayruhum, c'est que الصائم دعوته المستجابة طول النهار. Et ça c'est une ni'ma. Bardanès vu que il pensait ou il pense que l'invocation à l'exauce c'est qu'au moment de rompre le jeûne, toute la journée ils font pas ad-du'a. Ou ils font pas ad-du'a comme s'ils auraient su que ad-du'a est mustajab. Mais as-sahih c'est que da'watu as-sa'im est mustajab. Donc on en profite min al-fajr jusqu'au maghrib. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadli. Que ce soit siyam an-nafila ou siyam al-wajib. قال والوالد على ولده le père pour son fils ou على ولده contre son fils ou là contre son fils ou pour son fils c'est مستجاب. نستفيد من هذا فوائد أن الإنسان il n'oublie pas ses enfants في الدعاء. Il n'oublie pas ses enfants. Demande pour tes enfants الهداية. Demande pour tes enfants العلم. Demande pour tes enfants الجنة. Demande pour tes enfants التوفيق. On ne demande pas que l'argent, la bonne santé. Ça, c'est des choses nafi'a. Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqahu ila akhirih. Et kadhalik yu'afih. Il le préserve sur sa santé. Mais on demande kadhalik la science, la guider ila akhirih. Une autre va'ida. Anna fait attention de ne pas invoquer contre ton fils. Même sous la colère. Li anna al-walid. Al-walid, on a, ça englobe kadhalik al-walida. Ça englobe le père et la mère. S'ils invoquent contre leurs enfants, même en état de colère, en général, l'invocation du père ou de la mère, elle est exaucée. Bardanas, quand ils s'énervent contre leurs enfants, fashatmun, wasabun, wadua, pardon, ils font dua bil halak. Qu'Allah il le fasse périr. N'a'oudou billah. Et Rabbama, l'enfant, il est petit, maïdri. Un enfant, c'est un enfant, il fera des choses que les adultes ils ne font pas. Même si cet enfant il est grand, au lieu de faire dua contre lui, faites dua pour lui. Et Anna, cette mère ou ce père, pourquoi ils font dua? Les hommes, ils sont fatigués par cet enfant. La situation de l'enfant, elle les fatigue. Allez, hada, imma, ils insultent, pardon, ils patientent pas, imma, ils font dua contre lui. Si tu fais dua pour lui, ça t'estavide, anta wahou. Maintenant, c'est un enfant qui n'est pas seul dans son team, demande-lui le hidayah. C'est un enfant qui fait des problèmes de mort, demande Allah subhanahu wa ta'ala, niyehdi. C'est un enfant qui ne veut pas travailler, demande Allah subhanahu wa ta'ala, niyewfiqa, qu'Allah il le rizq. Et tu vas être gagnant, anta, en faisant dua, t'es récompensé. Et cet enfant. Ça, c'est minat dhulm. C'est de l'injustice de faire dua contre son fils. Limal. Ce fils, c'est le père et la mère, le sabab. C'est eux la cause. Limal à faire dua contre lui. Et que thiran, cet enfant, il fait des mauvaises choses, c'est à cause des parents. Donc, c'est de l'injustice. Manque d'éducation, il ne leur donne pas de temps. Et quand il fait une mauvaise chose, insulte et dua. Prends soin de lui. Rupama, cet enfant, il a un besoin. L'insan, yantabé. On fait attention. On fait pas comme al-juhal. Une chose, ils insultent, ils invoquent là. On garde notre calme et on fait dua pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala yusli hada al-walad. Qala fil awqat aw lahu fil awqat wal ahwal al-sharifa. Et bien sûr, parmi les causes, certains endroits et certains moments. Les moments, mathalan, fi sujoud, mathalan, entre l'adhan ou l'iqama, al-jumu'a, avant le maghrib, avant salat al-maghrib, ala sahih. Et bien sûr, dans des amakin tayyiba, quand l'insan il est au haram, quand il fait le hajj, quand il fait l'umra, quand il est à arafa, tout ça c'est des amakin tayyiba et des moments tayyiba, l'insan yukthir min ad-du'a. Donc, on a cité l'explication de ce nom, al-mujib, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond aux invocations, et on a cité le fruit, l'insan yukthir, il fait beaucoup d'invocations. قال رحمه الله المجيد المجيد والدليل قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فالله سبحانه وتعالى سي الحميد سي المجيد قال المجيد هذه المادة المجد المجيد الله سبحانه وتعالى إلى صفة المجد قال الذي له المجد المجد C'est un ism yadul ala al-kathra wa sa'a. Al-kathra wa sa'a. Ce mot, il montre, il prouve une chose qui est en abondance. Al-kathra wa sa'a. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le majid. Ça va ressembler à ism al-azim. Al-majid et al-azim. Al-ma'na li mutaqarib. قال المجيد الذي له المجد العظيم والمجد هو عظمة الصفات. Vous vous rappelez, عند اسم العظيم on avait dit أن الله سبحانه وتعالى il est عظيم في جميع صفاته. Il est عظيم في علمه في قدرته في أفعاله dans toutes ses صفاته سبحانه. وهكذا المجيد والمجد هو عظمة الصفات. قال وسعتها فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه. Tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ses attributs, ils sont عظيم et كذلك مجيد. قال فهو العليم الكامل في علمه. Il a cité رحمة الله عليه quelques exemples. مثلا الله subhanahu wa ta'ala c'est العليم et c'est le مجيد. Et on a dit le مجيد, Sifatul Majd, c'est pour tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça montre al-kathra wa sa'a. Aïe, l'abondance, c'est beaucoup. Famathalan al-alim. Tu sais que parmi les noms d'Allah azza wa jalla, al-alim, taqaddam ma'ana, al-alim al-khabir. Tu sais qu'Allah c'est le Majid, donc hada al-ilm, forcément, il est kathir. Qala al-alim al-kamil fi ilmi. Aïe, ce ilm, il est parfait. قال الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. Cette rahma, c'est une rahma عظيمة. وسعت كل شيء. قال القدير الذي لا يعجزه شيء. الله سي القدير له صفة القدرة. Cette قدرة elle est parfaite. أي لا يعجزه شيء. Il y a rien que Allah سبحانه وتعالى il ne peut pas faire. لماذا؟ لأنه il est كامل القدرة سبحانه. الحليم والكامل في حلمه. الحكيم والكامل في حكمته الذي نعم الحكيم الكامل في حكمته إلى بقية أسمائه وصفاته. أي tu peux appliquer cela sur tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. وهذا تقدم معنا عند تفسير اسم العظيم. On a bientôt fini Inch'Allah, normalement, la semaine prochaine,